Phonétique. Activité 7. Exemple. Une enquête a été ouverte. 1. Henri a été alerté à 8 heures. 2. La conversation a aussitôt été interrompue. 3. Le requin hawaïen a été récupéré en haute mer. 4. André a eu un doigt cassé à un arrêt de bus. 5. Le blessé a été autorisé à parler.